Ce jeudi 20 septembre, ciel très nuageux pour ce début de matinée, mais sans précipitation, puis retour du soleil à l'est, vent modéré dans les terres, assez fort localement, côté littoral, et minimal entre 13 et 17 degrés ce matin, nuages à l'ouest cet après-midi, un ciel d'abord lumineux ailleurs, mais il se chargera, les nuages élevés se feront plus épais, et on verra de la pluie dans la nuit, un vent encore assez fort, et jusqu'à 27 degrés pour les températures maximales de l'après-midi. Demain vendredi, plus de pluie dans la journée, sauf sur la côte sénomarine dans l'après-midi. Les températures entre 12 et 18 degrés, de 9 à 18 degrés samedi, un ciel qui se chargera par l'ouest de la pluie déjà en matinée sur le Cotentin et sur toute la région en soirée. Dimanche enfin, risque de pluie pour toute la Normandie et de 13 à 21 degrés. C'est une nouvelle vie qui commence pour les 2 km linéaires d'archives de l'agglomération Seine-Eure, transférés dans le nouveau pôle archives de Louviers, inauguré vendredi dernier. Une vie entre ombre et lumière, selon les mots du maire modem François-Xavier Priolo. L'ombre, c'est notamment le travail souterrain accompli avec efficacité par Vanina Galli, la directrice, et son équipe. La jeune femme a coordonné le transfert des archives de 19 communes volontaires de l'agglomération. Sur les 2 km, 700 mètres sont constitués des seules archives de la ville de Louviers et 50 mètres sont des archives privées émanant notamment de la famille de Pierre Mendès France. Enfin, le Centre intercommunal d'action sociale, l'Office de tourisme et d'autres organismes se sont joints à la démarche. Pour les maires, la conservation des archives est souvent un casse-tête avec à la clé en général une perte de savoir insupportable. La démarche, orchestrée à l'échelle de la case par Vanina, est d'autant plus appréciable sur cette terre d'usines performantes tournées vers le futur. La mutualisation intercommunale des archives, une première en France, subventionnée par les ministères de la Culture et de l'Intérieur, nous permet de ne pas éradiquer notre passé. C'est ce qu'a souligné Bernard Leroy, le président de la communauté d'agglomération. Si François-Xavier Priolo est un maire heureux, comme il l'a déclaré, sa joie est partagée par les amis des monuments et sites de l'Eure. Leur président, Denis Leplat, a signé une convention avec la CASE. Un bureau et des rayonnages sont désormais à disposition de l'association dans la nouvelle structure. Ce partenariat précieux s'ajoute à celui passé en mai avec le conseil départemental de l'Eure. À l'occasion des 90 ans de l'association, l'exposition réalisée par la MSE est visible dans le hall jusqu'en décembre prochain aux horaires d'ouverture du pôle archives. Lecture, atelier, animation, il se passe toujours quelque chose dans les murs de la médiathèque de Saint-André-de-l'Eure. Elle fait sa rentrée en proposant de quoi s'occuper à tout moment. Si bien évidemment les lecteurs retrouveront leurs livres préférés, ils auront le plaisir de renouveler des moments de convivialité proposés par l'association des amis de la bibliothèque. Nos ateliers généalogie reprennent de façon hebdomadaire. C'est un moment sympathique puisqu'il permet de partager son savoir dans le domaine et mettre en commun des expériences de recherche. C'est ce qu'explique Daniel Mallet, président de l'association. Les tricoteuses retrouveront leur rendez-vous régulier. Le café lecture sera proposé un vendredi tous les deux mois. Un mercredi par mois sera dédié aux contes et les amateurs de cinéma seront gâtés. En effet, le vendredi 28 septembre, une projection de L'Arnaqueur avec Paul Newman sera proposée gratuitement à 20h. Circulation encore intense au cours de l'automne au chemin de fer de la vallée de l'Eure à Passy-sur-Eure. Le premier événement ferroviaire dans une ambiance des années 1950 concerne la soirée Comte et Lampion ce samedi 22 septembre à 19h30 à bord de trains anciens et d'une rencontre sous les étoiles avec des conteurs aux histoires captivantes selon Ombeline Leroux, chargée de développement au CFVE pour chemin de fer de la vallée de l'Eure. L'association du rail d'autrefois invite à un avant-dernier déjeuner de la saison à bord de la voiture restaurant le dimanche 30 septembre, départ à 11h30. Le dernier repas est un déjeuner normand, dimanche 18 novembre aux mêmes horaires. Place limitée, réservation obligatoire. Place à bière en fête et locale le samedi 6 octobre, début à 19h30, puis une paella partie le samedi 13 octobre, départ à 19h30. Et pour les familles dont les jeunes ménagent avec des enfants, les attendus train de la citrouille dimanche 28 et mercredi 31 octobre, départ à 14h50 avec un goûter gourmand offert au retour de la balade. Au frisson garanti. Et puis les journées européennes du patrimoine ont été une opération bénéfique au tourisme de Verneuil, Davray, Diton et ses environs ce week-end. Les lieux emblématiques de la ville ont été visités tant par une clientèle locale que par de nombreux touristes venus de toute la Normandie, de la région parisienne et également de nombreux étrangers, anglais, japonais et même allemands. La Tour Grise a enregistré le double d'entrées habituelles. Les visites de la ville en calèche ont affiché complet. L'abbaye Saint-Nicolas a fait carton plein avec des visites en continu. L'église de la Madeleine offrait la visite de sa tour. Des animations ont ponctué l'événement. Les grandes orgues de l'église de la Madeleine, elle livrait ses secrets. Some like their dreams to fill their days.

my heart somewhere. I wanna go there, still I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing, but I can't. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter ce jeudi 20 septembre. Ciel très nuageux pour ce début de matinée, mais sans précipitation. Puis retour du soleil à l'est. Vent modéré dans les terres, assez fort localement côté littoral. Et minimal entre 13 et 17 degrés ce matin. Nuages à l'ouest pour l'après-midi. Un ciel d'abord lumineux ailleurs, mais il se chargera. Les nuages élevés se feront plus épais et on verra de la pluie dans la nuit. Vent encore assez fort et jusqu'à 27 degrés. C'est une nouvelle vie qui commence pour les 2 km linéaires d'archives de l'agglomération Seine-Eure, transférés dans le nouveau pôle archives de Louviers, inauguré vendredi dernier. Une vie entre ombre et lumière, selon les mots du maire MoDem François-Xavier Priolo. L'ombre, c'est notamment le travail souterrain accompli avec efficacité par Vanina Galli, la directrice, et son équipe. La jeune femme a coordonné le transfert des archives de 19 communes volontaires de l'agglomération. Lecture, atelier et animation, il se passe toujours quelque chose dans les murs de la médiathèque de Saint-André-de-l'Eure. Elle fait sa rentrée en proposant de quoi s'occuper à tout moment. Si bien évidemment les lecteurs retrouveront leurs livres préférés, ils auront le plaisir de renouveler des moments de convivialité proposés par l'association des amis de la bibliothèque. Et puis, circulation encore intense au cours de l'automne au chemin de fer de la vallée de l'Eure à Passy-sur-Eure. Le premier événement ferroviaire dans une ambiance des années 1950 concerne la soirée Contes et Lampions le samedi 22 septembre prochain à 19h30. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Notre première candidate est ici, elle est avec moi, elle s'appelle Maëva, bonjour. Bonjour. Maëva, t'as quel âge ? 8 ans. À 8 ans, donc t'es en quelle classe ? CM2 ? Non, CE2. Oui, sinon t'aurais sauté beaucoup de classes quand même à 8 ans. Et alors, ça se passe bien ? Tu as des bonnes notes ? Oui. T'es gentille, ta maîtresse ou ton maître ? Oui, j'en ai deux maîtresses, en fait. T'as deux maîtresses ? Oh, oui. Chance. Et alors, les deux maîtresses, elles font quoi ? C'est quoi la différence entre les deux ? Ben... Il y en a une plus gentille que l'autre ? Oui, il y en a une un peu plus gentille que l'autre. Et t'es à quelle école ? À l'école de Danville, pas l'Immaculée, mais l'autre. D'accord, donc alors si la maîtresse elle nous écoute aujourd'hui, elles vont se demander alors c'est qui la méchante, c'est qui la gentille ? Bon, c'est pas grave, tu t'en fiches un peu, Maëva. Alors tu connais un peu la pause déj ? Oui. Tu joues dans la voiture ? Non. Non ? Bah ok, d'accord. Bon, tu vas jouer aujourd'hui, t'es en direct à la radio. Tu fais le meilleur score en une minute, tu réponds aux questions. Et aujourd'hui, tu pars avec une paire de baskets. C'est d'accord. Bon pour toi ? Tu es concentrée ? Oui. Attention, je rappelle, il n'y a pas l'aide des parents, ok ? On y va. 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait ? Six mois et mes trois. Oui. Combien de sommets dans un triangle ? 3. Quel acteur tient le rôle principal du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, sorti en 2015 ? Donne-moi 3 ans près l'âge de Neymar. Quel personnage historique, célèbre, féminin est associé à la ville de Rouen? Qu'indique l'aiguille d'une boussole? Le nord et le sud. Quel est l'autre nom du tennis de table? Ping-pong. Il s'appelle comment l'astronaute français qui a passé plusieurs semaines dans l'espace l'année dernière? Je passe. Elles sont de quelle couleur les voitures de la poste? Oui. Je me doutais que t'allais l'avoir celle-ci. Oh, elles n'ont pas été toutes faciles les questions quand même, hein? Oui. Mais tu t'es bien débrouillée, je trouve. Maëva, t'as 8 ans, t'es en CE2. Et par exemple, t'as retrouvé... Alors, oui, il s'est pas arrêté depuis le quiz. Si moi aimais toi, blessez-moi. Si moi aimais toi. Alors, t'as reconnu Vianney? C'est un chanteur que t'écoutes? Oui, je l'écoute. Je l'écoute de temps en temps. Ah oui, tu l'aimes bien? Oui, je l'aime bien. Et c'est qui ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Moi, c'est Jennifer. Eh ben, on a un point en commun. Maëva, j'étais fan de Jennifer, moi aussi, quand j'étais petite. J'avais des posters partout dans ma chambre. Alors, je te demandais l'âge de Neymar à 3 ans près. C'est pas facile, mais tu l'as dit, tu connais pas. Hein. Neymar, c'est un footballeur qui se casse tout le temps quelque chose quand il fait du foot. Et du coup, il fait jamais de foot. Très peu souvent. Neymar, il a 26 ans. Et l'acteur qui tient le rôle principal du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. T'as déjà été voir ce film au cinéma ou pas? Non, je l'ai pas vu. Si je te dis Kev Adams, ça te dit quelque chose? Non. Non, bon, bah alors c'est sans regret, Maëva. Tu restes avec nous, on va voir combien tu as fait de bonnes réponses aujourd'hui, puisqu'il y a d'autres bonnes réponses. À tout de suite, Maëva. Tout de suite. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze Chanel. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis, on veut du Claudine. gourmand pour vous accompagner dans la pause déj. C'était nos souvenirs. Nous sommes avec Maïva de Danville. Elle a 8 ans, elle est en CE2. Maïva, on sait que tu as déjà une bonne réponse. Alors, les maths, ça va? T'es pas mal forte en maths ou pas? Oui, je suis pas mal forte, j'adore ça d'ailleurs. Bah, ça se voit, parce que combien de sommets dans un triangle? Tu as trouvé la bonne réponse, il y en a bien 3. Le personnage historique célèbre féminin qui est associé à la ville de Rouen, t'es peut-être un petit peu trop jeune encore pour la connaître, c'est Jeanne d'Arc. Mais t'inquiète pas, tu vas en entendre parler dans tes cours d'histoire. D'accord. Qu'indique l'aiguille d'une boussole? Alors c'est dommage puisque tu as dit le nord et le sud. L'aiguille d'une boussole, elle indique le nord seulement. L'autre nom du tennis de table, c'est bien le ping-pong. Il s'appelle comment l'astronaute français qui a passé plusieurs semaines dans l'espace l'année dernière? Et en plus, il est normand, il est de la même région que toi, c'est Thomas Pesquet. Et les voitures de la poste, elles sont bien jaunes. Bon Maëva, tu as fait 4 points aujourd'hui. Oui, tu peux applaudir, bravo, bravo. À 8 ans, t'as fait 4 points. Attends, des fois, il y a des adultes qui font même pas 4 points dans la pause déj. Alors, tu peux être fier de toi. Alors, si le prochain candidat qui va passer d'ici 5 minutes ne te bat pas, ne fait pas au moins 5 bonnes réponses, tu restes en finale, d'accord? Oui. Bon, Maëva, peut-être à tout à l'heure. Tu croises les doigts. Peut-être à tout à l'heure. Je t'en appelle. Ok. Je t'appellerai si tu as gagné la pause déj. Je te fais des gros bisous, d'accord? Des gros bisous. Bon mercredi à toi. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure, Maïva. 02 32 23 53 96 pour inscrire vos enfants. Si vous pensez qu'ils peuvent battre Maïva, faire 5 points minimum en 1 minute, vous les inscrivez tout de suite. Il y a une paire de Stan Smith à remporter dans la pause déj. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal.

Pas. Quel super héros se traduirait littéralement par l'homme chauve-souris en français? Spider-Man. 6 x 8 égale 48. Il m'a sorti comme ça. Waouh, wow, ça se voit que t'es au collège et que t'apprends les tables de multiplication. J'aurais été jamais capable de la sortir comme ça. 48, c'est une bonne réponse. Alors, bon, papa, on a entendu papa derrière sur la deuxième question. Enfin, la troisième. Alors, je vous répète, s'il vous plaît, ne trichez pas. Laissez les enfants, c'est leur moment de gloire. Voilà, même si... Bah, non, mais c'est pas grave, je vais pas te punir. Mais alors, comment s'appelle le médecin dont la spécialité est de s'occuper des enfants? C'était un pédiatre, en effet, mais je peux pas la compter en bonne réponse. On a trop entendu. Je vous rappelle qu'on a quand même des casques. On entend très bien, même, les petits chuchotements derrière. Sinon, tu vois, t'as pu te débrouiller tout seul, Glenn, sur le reste des autres, des autres questions. T'avais pas besoin de papa, hein? T'es grand maintenant, il va falloir... Couper le cordon, hein? Alors, que faut-il faire très régulièrement pour éviter d'attraper la gastro-entérite? Alors, je te le conseille de le faire, hein, surtout pour cet hiver, enfin, pour toute l'année, hein, c'est de se laver les mains. Ouais. Pour éviter de tomber malade, c'était ça la réponse. Il était une fois, c'est en effet l'expression hein, qu'il y a dans les contes ou les histoires qu'on raconte aux enfants. La Révolution française! Elle a eu lieu en 1789. Tu avais bien répondu, non? Non, tu n'avais pas répondu à celle-ci. Tu sauras pour tes prochains cours d'histoire, c'était en 1789. Bon, on va voir le reste des autres réponses que tu nous as données. On va voir surtout si tu as battu Maëva dans un instant et si tu te qualifies à la finale de la pause déj. À tout de suite, Glenn. We'll be right back.

carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Il faut battre Maëva, 8 ans aujourd'hui, elle a fait 4 bonnes réponses. Lucie va tenter de relever le challenge aujourd'hui. Bonjour Lucie. Où t'es loin là Lucie? Rapproche-toi du téléphone. D'accord. Ah, c'est mieux comme ça. T'habites où? Vernon. Vernon, et t'es au collège, tu viens de rentrer en 6e. Oui, c'est ça. Ça va, ça te plaît le collège? Oui, ça me plaît. Il y a quoi de mieux que la primaire au collège? La cantine. C'est meilleur la cantine du collège? Oui. Il y a quoi de meilleur? Ah, je me souviens pas, moi. Qu'est-ce qui est meilleur, par exemple? Le crumble aux pommes. Ah, le fameux crumble aux pommes de la cantine. T'es à quel collège? Jeanne d'Arc. Ah, voilà. Ben oui, le fameux crumble aux pommes du collège Jeanne d'Arc. Il y a surtout aussi peut-être plus de garçons aussi au collège. Je sais pas. Ben, ça t'intéresse pas pour le moment, non. Je voulais savoir si t'avais un amoureux. Je suis comme ça, je suis un peu trop curieuse. C'est peut-être pour ça. Lucie, t'as entendu Maëva? Oui. Elle a 8 ans. Toi, tu as 11 ans. Ah, tu peux la battre aujourd'hui quand même. Oui. Allez, 5 bonnes réponses à faire. T'es bien concentrée? Oui. On y va. 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait? Tu as dit? Allô? Elle s'appelle comment la langue que les personnes sourdes parlent avec les mains? Le signe. Cite un oiseau qu'on peut croiser dans la campagne normande. La pie. Dans quel film croise-t-on le personnage du capitaine Jack Sparrow? Pirates des Caraïbes. Conjugue le verbe kiffer à la première personne du singulier au futur. Je kifferai. Que signifie le sigle EPS au collège? Éducation sportive, physique et sportive. Dans quel parc d'attractions peut-on embarquer à bord du tonnerre de Zeus et du Menhir Express? Oui. Tu as dit? T'entendais pas super bien, mais bon. Tu nous as donné des bonnes réponses. La dernière en était une, par exemple. C'est bien au parc Astérix qu'on va à bord du tonnerre de Zeus ou encore du Menhir Express. T'as déjà été au parc Astérix ou pas? Oui. C'est trop bien, hein? Oui. Ça te fait pas peur, toi, les attractions comme ça? Si, un petit peu. Tu montes dedans? T'as été dans le tonnerre de Zeus? Non. Ah ouais, tu m'étonnes, il y a une sacrée descente, hein. Moi je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Alors, Lucie, il fallait reconnaître dans cet extrait. Charlie Puth, tu pouvais aussi dire Meghan Trainor, je l'aurais accepté. Elle s'appelle comment la langue des personnes sourdes? Les personnes, elles parlent avec les mains, on appelle ça la langue des signes. En effet, bonne réponse. Un oiseau qu'on peut croiser dans la campagne normande, on en croit souvent d'ailleurs. Une pie, en effet. Il y avait aussi un épervier, une mésange ou encore un moineau. Et capitaine Jack Sparrow, on le croise dans les aventures des pirates des Caraïbes, en effet. Lucie. Oui. Ça sent bon quand même pour toi aujourd'hui. Bof. Oh bof, t'es pas trop contente de ce que tu as fait, c'est ça? Oui. Bon, on va voir si t'as battu Maëva déjà. C'est le principal. Si tu l'as battu, tu repartiras peut-être avec ta paire de Stan Smith. On va voir ça juste après les Lost Frequencies et James Blunt. Voici Melody. À tout de suite, Lucie. C'était Mélodie sur Cristal dans la pause-déj spécial enfant avec une paire de Stan Smith à remporter comme tous les mercredis pour inscrire vos enfants. C'est très simple, c'est au 02 32 23 53 96. Le moment est grave, nous allons connaître la gagnante de la pause-déj aujourd'hui. C'est soit Maëva de Danville qui avait 8 ans ou soit qui a 8 ans toujours. Normalement elle est toujours là Maëva. Et Lucie de Vernon qui a 11 ans. Lucie, notre dernière candidate, a-t-elle battu Maëva? Est-ce que tu as fait minimum 5 points? Alors, conjugue le verbe kiffer à la première personne du singulier au futur. Lucie, es-tu là? Oui. Tu as dit je kifferais? Oui. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. En effet, c'est bien ça. Le verbe kiffer est entré d'ailleurs dans le dictionnaire en 2014. EPS, le sigle EPS au collège signifie éducation physique et sportive. C'est bien l'EPS, t'aimes bien toi Lucie? Oui, ça va. Ça va. Dans quel parc d'attractions, on a dit tout à l'heure, on peut retrouver le tonnerre de Zeus ou le Menhir Express? C'est bien le parc Astérix. Alors, Lucie, il fallait faire 5 bonnes réponses, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Tu en as fait 6 aujourd'hui, bravo! Lucie, bravo, t'as gagné la pause déj aujourd'hui. Ah bah, elle plus là. T'as remporté ta paire de Stan Smith. Je t'envoie tout ça à la maison, bravo. Parce que pour la petite histoire, tu t'inscris toute seule à chaque fois. Et t'avais vraiment envie de gagner cette pause déj. Et bah, c'est tout mérité. Je te fais des bisous. Merci.

Déjà l'heure avec Dimitri. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed.

matin. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. nombreux à bosser de nuit. Je pense au personnel hospitalier, aux boulangers, aux techniciennes et techniciens de surface qui viennent aussi de démarrer leur journée pour la plupart. Bon courage pour ce jeudi et merci de vous réveiller tous les matins avec nous sur Cristal. Avant de retrouver l'info et la météo à 6h, voici l'horoscope de ce 20 septembre avec Alexandra. Bonjour. Bonjour à tous, excellente journée ce jeudi, le 20 septembre et l'horoscope des béliers. Transformez vos réflexes et votre mode de vie. Le reste suivra. Taureau, les nouvelles têtes vous stimuleront, votre charme fera le reste. Gémeaux, vos amis vous reprocheront de ne pas les écouter. Écoutez leurs conseils, hein, sans faire la sourde oreille. Les cancers amoureux, ce sera votre état pour toute cette journée et pour toute la soirée. Les lions, vous vous sentirez bien dans votre peau, un petit peu trop peut-être, entraînant des jalousies. Vierge, en ce moment, l'amour se trouve en seconde position sur la liste de vos priorités. Balance, vous êtes charmé par quelqu'un qui fait partie déjà de votre entourage. Les scorpions, vous avez la mauvaise manie de vouloir tout gérer. Laissez-vous plutôt porter par les circonstances. Sagittaire, le besoin de rompre la routine vous tenaille, c'est distractions vécues en commun amènent une bouffée d'oxygène à votre union. Le moral est bon, les Capricornes, mais vous êtes irritables et particulièrement stressés. Verseau, vous n'êtes pas pressé de vous caser, vous prenez la vie comme elle vient. À vouloir être partout, les Poissons, vous risquez bien évidemment de n'être nulle part et de passer à côté des autres. Excellente journée à tous. Retour de l'horoscope dans une petite heure sur Cristal. Il fait déjà doux ce matin, pas besoin de gros manteau ni de doudoune pour sortir. 15 degrés chez Joël à Bonneville-sur-Iton, 14 chez Christelle en centre-ville d'Évreux et 14 aussi à Ouistreham, pas loin de la mer, chez Julie avec un petit vent. Voilà, un léger vent ce matin. C'est une journée agréable partout en Normandie. Normalement, bientôt 6h, l'info et la météo justement. Ce sera après Jessie J et Ariana Grande sur Cristal. Très bon réveil, voici Bang Bang. Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A to the N to the G. B to the A to the N to the G. Hey.